إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن من مقاصد شريعة الإسلام منع كل وسيلة تفضي إلى الحرام وتقرب منه، فالإسلام منع المسلم ليكون على بعد من معاصي الله، فمن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه، فعلى المسلم اتقاء تلك الوسائل والحذر من الوقوع فيها. ولما كان جريمة الزنا من أعظم الجرائم ومن أكبر الذنوب ومن الأمور الشنيعة التي قال الله فيها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، منع المسلم من كل وسيلة يمكن أن توقعه في هذه الجريمة، فحرم عليه أن يخلو بامرأة ليست من محارمه. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيضا: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. وحرم الشرع على المرأة السفر بدون محرم حماية لعرضها وصيانة لكرامتها وخوفا عليها من الوقوع فيما حرم الله. Chers musulmans et musulmanes, sachez que parmi les buts de la législation musulmane est le fait d'interdire toute chose intermédiaire, tout moyen qui amène ou qui rapproche de l'interdit. L'islam est venu interdire des choses aux musulmans afin de l'éloigner de la désobéissance d'Allah. Le musulman se doit donc d'éviter tous ces moyens interdits et de prendre garde à ne pas les commettre. Et parce que le crime de la fornication fait partie des plus graves crimes en islam, et parce que la fornication fait partie des plus grands péchés en islam, au point qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise dans son noble livre: « Et n'approchez pas la fornication, car c'est une turpitude, et quel mauvais chemin !» Parce que la fornication est un grave péché, l'islam est venu interdire aux musulmans tous les moyens qui pourrait le faire sombrer dans ce péché. Il a interdit aux musulmans d'être seul avec une femme qui ne lui est pas interdite au mariage. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: prenez garde à ne pas entrer chez les femmes. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme ne reste pas seul avec une femme, sauf si elle est accompagnée d'une personne qui lui est interdite au mariage. Et l'islam a interdit à la femme de voyager sans mahram, sans un homme pubère qui lui est interdit au mariage. Ceci afin de préserver son honneur et afin qu'elle ne sombre pas dans les interdits d'Allah. Wa min dhalikum annahu amara al-muslim bi ghaddi basarihi wa nahahu أن ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه، خوفا من أن يؤدي ذلك النظر إلى الوقوع في الحرام. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. تأملوا أيها المسلمون، تأملوا هذه الآية التي قال الله فيها: قل للمؤمنين، أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب أهل الإيمان المستجيبين لله ورسوله، السامعين المطيعين القابلين لأوامر الله. قال الله: قل للمؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أمرهم بالغض من أبصارهم، لم يقل غضوها، وإنما قال غضوا من أبصارهم، غضوا من أبصاركم، أي غضوا من أبصاركم، فلا تنظروا إلى ما حرم عليكم النظر إليه، واجعلوا النظر فيما ينفعكم لا فيما يضركم. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال تعالى: يغضون من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فكان غض البصر سببا لحفظ الفرج، لأن البصر ينفذ إلى القلب، وما تزال تلك اللحظات والنظرات تتتابع حتى توقع في القلب مرض الشهوة، فيتحرك القلب لذلك الأمر، والقلب هو الحاكم على الجوارح. إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذا قال الله: يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فإن حفظ الفرج إنما يكون نتيجة لغض البصر والبعد عن كل وسيلة تفضي إليه، ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لقلوبهم، وأزكى لنفوسهم، وأزكى لأخلاقهم، ذلك أزكى لهم من الوقوع في الرذائل. فالأوامر الشرعية هي سبب لزكاة القلوب وصلاح القلوب واستقامتها. إن الله خبير بما يصنعون، خبير بأعمال العباد، عالم بسرهم وعلانيتهم، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Et parmi ces moyens qui amènent à la fornication qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve, parmi ces moyens, il y a le fait de ne pas baisser le regard. Et l'islam est venu ordonner aux musulmans de baisser son regard. Et lui a interdit de porter son regard sur des choses qui lui sont interdites. Ceci afin de ne pas sombrer dans l'interdit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 30 de Sourate An-Nur, Sourate la Lumière, et dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Méditez, chers musulmans et musulmanes, ce verset de Sourate An-Nur, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit aux croyants, un ordre d'Allah au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de s'adresser aux croyants, à ceux qui ont la foi, à ceux qui écoutent et obéissent à Allah et à son envoyé, à ceux qui s'empresse de mettre en pratique les ordres d'Allah Azza wa Jal, dit aux croyants de baisser leur regard. Allah Azza wa Jal n'a pas dit baisser les regards, mais si l'on traduirait de façon plus précise, dis-leur de baisser une partie de leur regard. C'est-à-dire qu'ils ne doivent baisser le regard que lorsqu'ils sont face à une chose interdite, et qu'ils doivent réserver leur regard et le porter aux choses qui leur sont bénéfiques et aux choses qui ne leur sont pas nuisibles. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Isra, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela vous serez questionnés. dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Ainsi, de baisser le regard est une cause qui amène à être chaste, car le regard pénètre le cœur. Et lorsque le mauvais regard ne cesse de pénétrer le cœur, et lorsque ces mauvais regards se suivent les uns après les autres, alors le cœur est frappé de la maladie, de la tentation et du plaisir. Et ceci anime le cœur, ce cœur qui est le commandant des membres du corps. Lorsque ce cœur est bon, l'ensemble du corps est bon. Et lorsque ce cœur est mauvais, l'ensemble du corps est mauvais. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans le corps un membre que lorsqu'il est bon, l'ensemble du cœur est bon. Et lorsqu'il est mauvais, l'ensemble du corps est mauvais, c'est le cœur. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Ainsi, être chaste et préserver la chasteté est une conséquence directe du fait de baisser son regard et de s'éloigner de tout moyen qui pourrait amener à cela. Puis Allah Azza wa Jalla dit son le sens, c'est plus pur pour eux. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. Cela est plus pur pour leur cœur. Cela est plus pur pour leurs âmes. Cela est plus pur pour leur comportement. Cela est plus pur. Et cela les empêche de sombrer dans des choses basses et futiles. Et sachez que les ordres en islam, et sachez que les commandements de la législation musulmane sont tous des causes de purification du cœur et des moyens qui permettent au cœur de rester droit sur le chemin. Inna Allaha khabirun bima yasna'un. Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Allah est parfaitement connaisseur des actes de ses serviteurs. Il connaît parfaitement ce qu'ils font en public comme ce qu'ils font en privé. Rien de leur situation n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qal wa qul lil mu'minat arada jalla wa ala an yubayyin anna al amra 'amun lil jami' wa in kana yakfi al khitab al awwal lakin dhakara an nisa ba'da dhikri al rijal liyakuna al amru 'amman wa liyatanabbaha kullun min al jinsayn. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. أيتها المسلمة، أيها المسلم، كل منا مخاطب بهذا، فالمرأة المسلمة مأمورة بغض بصرها وأن لا تطلع إلى النظر إلى الرجال، وكذلك الرجل مأمور بغض بصره وأن لا يتطلع بالنظر إلى النساء. فغض البصر سبب لزكاة القلب واستقامة الأحوال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذات يوم لأصحابه كما جاء ذلك في الصحيحين: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد. قال إن كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال عليه الصلاة والسلام: كف الأداء وغض البصر وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن حق الطريق ومن الحق الواجب على الجالس في الطريق أن يكون غاضا لبصره، لا يؤذي المؤمنات بنظره إليهن، فإن ذلك من الأذى لا من حق الطريق. فحق الطريق أيها المسلم أن تغض بصرك عن النظر إلى ما حرم الله عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي رضي الله عنه: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. قد تكون نظرة فجأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تتبع النظرة النظرة فلك الأولى أي عفو وليست لك الثانية. Puis Allah Azza wa Jal dit dans le verset suivant et dit aux croyantes. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu par cela montrer que l'ordre de baisser le regard est un ordre qui englobe l'ensemble des sexes, que ce soit les hommes ou les femmes. Même si le premier verset aurait été amplement suffisant, mais Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir adressé cet ordre aux hommes, l'adresse aux femmes, afin que chacun soit interpellé par cet ordre. Il dit Azza wa Jalla et dit aux croyantes de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Ainsi, chères musulmanes et chers musulmans, vous êtes tous concernés par cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La femme musulmane, il lui est ordonné de baisser son regard et de ne pas le porter vers les hommes. De même que les hommes, il leur est obligatoire de baisser leur regard et de ne pas le porter sur les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à ses compagnons, prenez garde à ne pas vous asseoir dans les rues. Ils ont dit, envoyé d'Allah, certaines de nos assises sont nécessaires. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, si vous êtes contraint alors de le faire, donnez à la rue ses droits. Ils ont dit, quel est le droit de la rue, envoyé d'Allah? Il a répondu, de s'abstenir de toute nuisance, de baisser le regard, de passer le salam, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ainsi, parmi les droits de la rue, il y a le fait de baisser son regard et de ne pas porter atteinte aux croyantes en portant le regard sur elles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, ne fais pas suivre le regard par un regard, car pour toi le premier, mais le second te sera compté. C'est-à-dire que le premier regard que tu portes, le regard d'étonnement ou le regard que tu portes sans y prêter attention, ou le regard que tu as apporté de façon involontaire, celui-ci ne te sera pas compté. Quant au deuxième regard, celui-ci, tu devras rendre compte de celui-là. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم اعلموا أيها المسلمون أن النظر قد يوقع في المهالك فتنظر إلى ما لا قدرة لك عليه ولا صبر لك عنه فيمرض قلبك مرضا تتمنى العافية من بلائه فإن أمراض الشهوات لا تزال بالقلب حتى توقعه في الحرام ولذلك قال الله عز وجل مؤدبا لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فنهاهن عن خضوع القول للرجل لأن إخضاع المرأة قولها ومحاولة ترقيق كلامها أمام رجل أجنبي عنها قد يؤدي إلى حدوث أمور لا تحمد عقباها. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'un regard peut amener à la catastrophe. Il se peut que tu portes le regard sur une chose interdite qui est bien plus forte que toi. Une chose qui, lorsque tu la regarderas, tu ne pourras patienter devant elle. Ton cœur sera alors frappé d'une maladie redoutable dont tu espéreras plus que tout la guérison. Et sachez que les maladies du cœur ne cessent de ronger le cœur jusqu'à le faire sombrer dans l'interdit. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les femmes les plus pures, qui sont les mères des croyants, radiyallahu anhun. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Al-Ahzab, en s'adressant aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. » Allah azawajal leur a donc interdit d'être complaisantes dans leurs paroles et dans leur langage lorsqu'ils s'adressent à un homme. Car la complaisance d'une femme dans sa parole devant un homme qui lui est autorisé au mariage, ceci peut amener à une chose gravissime. Thumma a'lamu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ja'ala itlaq an-nadhari min zina'il 'ayn min zina'il 'aynayn. Yaqulu alayhi s-salatu wa s-salam kama fi sahih al-Bukhari wa Muslim, fazina al-lisan an-nutq wa zina al-udhunayn al-istima'. وزن العينين النظر فليلتقي المسلم ربه وليحافظ على سلامة دينه وليغض بصره عما حرم الله عليه وليكن حريصا على صيانة عورات المسلمين بعيدا عن كل ما يثير الفتنة وعلى نساء المسلمات تقوى الله في أنفسهن والبعد عما يثير غزائر الرجال. وإن من الأسف الشديد أن بعضا من المسلمات هدانا الله وإياهن كثير منهن حصل عليهن نقص في اللباس فتخرج المرأة إلى السوق أو غيرها من المكان أو غيرها من الأماكن سافرة متبرجة متعطرة متجملة ذلك من أسباب إثارة غزائر الرجال وتعلق الفساق والأراذل بها فلتتق المرأة ربها ولتصن عرضها ولتبتعد عما يثير الفتنة ولتكن المرأة المسلمة بعيدة عما عسى أن يكون سببا للإثارة فتحفظ دينها ولا تحمل الرجال على النظر إليها. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré le regard porté sur une chose interdite comme étant la fornication des yeux. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et la fornication de la langue et la parole, et la fornication des oreilles et l'écoute, et la fornication des yeux et le regard, ainsi que le musulman craigne son Seigneur, et qu'il préserve sa religion, et qu'il baisse son regard devant les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites, et qu'il soit ardent dans la préservation des choses intimes des musulmans. Et il est du devoir des femmes musulmanes également de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'éviter tout ce qui peut attirer ou provoquer chez l'homme un quelconque plaisir. Car malheureusement, certaines femmes, si ce n'est beaucoup de femmes qu'Allah nous guide et les guide, beaucoup de femmes musulmanes malheureusement se sont laissées aller dans leur tenue vestimentaire. Je ne parle même pas de celles qui sortent dévêtues, de celles qui ne se revêtissent pas du voile de l'islam. Je ne m'adresse pas à celles-ci, car celles-ci, ce n'est pas un discours du vendredi qu'il leur faut, mais des dizaines et des dizaines. Je m'adresse à celles qui sont musulmanes, à celles qui portent le voile de l'islam, mais qui se laissent aller dans leur tenue vestimentaire, qui se laissent aller dans leur tenue vestimentaire. Et malheureusement, l'on voit à notre époque et ces derniers jours, de plus en plus de femmes musulmanes voilées mais maquillées. Voilées mais maquillées. Elles sortent voilées mais parfumées. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré une femme qui sort parfumée comme étant fornicatrice. Et lorsqu'un compagnon radiyallahu anhu a vu une femme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam sortir parfumée et lui a ordonné de retourner chez elle et de se laver car elle était fornicatrice. Ces femmes musulmanes qui se sont laissées aller dans leur tenue vestimentaire. L'on voit la sœur musulmane en jilbab, mais qui porte au-dessus de son jilbab, qui porte au-dessus de son jilbab un blouson en cuir moulant. Des choses que l'on n'a jamais vues auparavant. Parmi les conditions du hijab de la femme musulmane est que son hijab ne doit pas laisser apparaître les formes de son corps. C'est une condition parmi les conditions du hijab. Si la femme sort en temps de froid, qu'elle mette un blouson et qu'elle mette au-dessus de son blouson son jilbab. Ainsi est le vêtement de la femme musulmane. Un vêtement de pudeur, un vêtement qui éloigne les regards des hommes d'elle, un vêtement qui n'éveille pas en les hommes des sentiments de plaisir ou de désir. Ainsi, la femme musulmane se doit de revenir aux préceptes de sa religion, car comme je l'ai dit, les ordres de la législation musulmane ont tous, sans exception, comme conséquence, la purification du cœur, la purification du corps, la purification des comportements et la purification de l'âme, ainsi que la musulmane préserve sa dignité, que la musulmane préserve son honneur et qu'elle s'éloigne de tout moyen de tentation et qu'elle ne soit pas elle-même en soi un moyen de tentation. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين يغضون أبصارهم عن محارم الله. اللهم اجعلنا من الذين يحفظون فروجهم بغض أبصارهم يا قوي يا عزيز يا غفور يا رحيم. اللهم اهد شباب الإسلام. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا قوي يا متين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.